Bosco d'Ouiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 2 novembre 2020. Voici les grands titres de cette édition. Plus de 200 000 bancs pupitres vont bientôt être fabriqués et le financement de ce projet est déjà disponible. C'est la réponse du Premier ministre Alain-Guillaume Wignoni la semaine dernière lors de la présentation du plan annuel. Un député s'était inquiété du fait que des élèves apprennent assis par terre dans différentes écoles à travers le pays. Et le ministère du Commerce continue à mettre en garde les commerçants spéculateurs sur les prix de différents produits. Aujourd'hui, le directeur général s'adresse aux commerçants grossistes de la farine de blé. Et un groupement d'une soixantaine d'étudiants au département communautaire de l'Institut supérieur paramédical de Gitega coordonne environ 400 agriculteurs de la colline et zone Mungwa de la commune Gitega autour d'un projet de culture du maïs hybride. Reportage à suivre dans ce journal. Et dans la chronique sport ce lundi, on en saura davantage sur les conditions exigées pour pouvoir arbitrer des compétitions nationales et internationales au basketball. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, le président burundais Evariste Ndayishimiye se rend en Guinée équatoriale pour une visite de 5 jours accompagné par son épouse. Evariste Ndayishimiye est attendu à Malabo ce lundi et il effectue une visite d'État de renforcement des relations entre nos deux pays. Et le ministère du Commerce met en garde les commerçants grossistes qui spéculent sur les prix de la farine de blé. Le directeur général du commerce, Moutkwa Chrysologue, déclare également qu'ils ont mené des échanges avec les concernés et ont décidé de respecter les prix. Et concernant l'huile de coton, il dit que les enquêtes continuent pour connaître les raisons de l'augmentation de son prix. Suivez Chrysologue Moutkwa, c'est le directeur général du commerce. Il n'y avait pas de raison profonde pour qu'il y ait des spéculations autour de la farine et qu'il y ait une spéculation autour des prix. C'est ainsi que nous sommes convenus que ces spéculations autour de la farine cessent, sinon des mesures appropriées seront prises. Ici, après s'être entretenus avec eux, nous nous sommes convenus et ils ont été d'accord que ils vont faire tout pour que cette spéculation puisse cesser. Nous sommes convenus que s'il y a des problèmes qui réellement font que ces prix augmentent, on va s'entretenir pour voir si réellement il y a fondement ou pas. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de raison. Parce que les usines de la place produisent. Pour le moment, il n'y a pas de raison qu'il y ait spéculation ou augmentation de prix autour des prix de farine. Nous sommes en train de mener des investigations, effectivement, pour savoir les raisons qui ont poussé à ce qu'il y ait augmentation de ces prix, parce que avant de prendre des mesures, on doit d'abord s'informer et connaître les raisons profondes de cette augmentation de prix. Si réellement il y a augmentation de prix, ou si des raisons valables sont là pour appuyer cette augmentation, ou si ce sont une ou deux personnes seulement qui spéculent et que les autres pratiquent un prix qui est le prix qui est normal. Vous me posez la question de savoir si nous sommes au courant également de l'augmentation des prix de l'huile de coton importée. On va continuer à mener des enquêtes, des investigations pour pouvoir connaître ce qui en est réellement. C'était le directeur général du commerce, Chrysologue Moutois. L'équipement de deux laboratoires, dont deux au Burundi, ainsi que la mise en place d'une base de données sur le niveau de pollution des eaux du lac Tanganyika sont certaines des activités déjà effectuées par l'autorité du lac Tanganyika dans la mise en œuvre du projet de gestion des eaux de ce lac. Selon Didier Kadeli, responsable du projet Latawama, concernant quatre pays riverains du lac sur quatre ans, la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité de l'eau du lac a été prioritaire. Mireille Kanyang. Il faut protéger les eaux du lac Tanganyika. Ces eaux qui sont menacées par la pollution. Ce projet de gestion des eaux du lac Tanganyika est né après avoir constaté une pollution aiguë des eaux du lac Tanganyika. Toussanga Mukanga Sylvain est directeur exécutif de l'autorité du lac Tanganyika, chargé de la mise en œuvre du dit projet. Le lac Tanganyika, c'est un plan d'eau qui est partagé par les quatre pays riverains. Donc c'est un patrimoine commun. Et les quatre pays se sont mis d'accord pour se réunir et voir comment protéger ce patrimoine commun. Et donc comme c'est un plan d'eau, il faut protéger les eaux du lac Tanganyika. ces eaux qui sont menacées par la pollution, par la déforestation, par la sédimentation, il faut les protéger. Ces eaux sont polluées, ça va affecter les ressources qui sont dans ces lacs-là. Une année après le lancement de ce projet, pour une enveloppe de 6,9 millions d'euros et pour 4 ans, Didier Kadeli, responsable du Lake Tanganyika Water Management, la Tawama, précise que le réseau de surveillance des eaux du lac Tanganyika a été la priorité. Le lac Tanganyika est un écosystème unique, exceptionnel, qu'il faut protéger. Pour protéger un tel écosystème, on doit d'abord le connaître, connaître ses problèmes, connaître les solutions. Donc une première étape importante au niveau du projet, c'est de mettre en place un réseau de surveillance de la qualité de l'eau du lac. Parce que quand on ne connaît pas ce qu'on doit protéger, il est extrêmement difficile de trouver les bonnes solutions et les bonnes mesures. Nous mettons donc maintenant en place un réseau de surveillance qui va associer les 4 pays riverains du lac. Ce réseau, ajoute-t-il, passe par le renforcement des laboratoires dans les 4 pays riverains, dont 2 au Burundi. Nous allons donc renforcer toute une série de laboratoires d'analyse et de recherche au niveau du lac Tanganyika, de manière à pouvoir mettre en place un réseau de surveillance à long terme et connaître la richesse ou les problèmes qui affectent la qualité de l'eau. Côté Bujumbura, la station d'épuration des eaux usées de Buterere retiendra l'attention des responsables de ce projet. Les pays riverains du lac Tanganyika étant le Burundi, la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. Merci Mireille. Des artistes dans divers domaines disent que leurs ventes ont sensiblement chuté et qu'ils ne participent plus aux foires. La cause étant la pandémie de la COVID-19 qui secoue le monde entier et qui limite les déplacements des touristes. Le président de l'association des artistes Adjamap dit qu'ils vont demander aux ambassadeurs du Burundi à l'étranger de leur disponibiliser des points de vente au sein de leurs ambassades. Arthur Kavarouchi. La pandémie de COVID-19 qui secoue le monde entier n'a pas laissé de côté ceux qui font les arts variés au Burundi, comme le dit un de ceux-là qui a parlé à la radio Sanganiro en indiquant que cette pandémie est à l'origine de la perte de leurs clients en majorité touristes. Sérieusement, nous avons été très affectés par la COVID-19, étant donné que nos œuvres étaient achetées par les touristes, ceux qui allaient vanter le Burundi dans le Conseil des Nations. Et si nous avions des visiteurs, ils recevaient des souvenirs d'ici. Mais comme ils ne viennent plus, avec peu de voyages et pas de touristes, et ce que nous recevons, ce sont quelques Burundais d'ici même. Cet artiste dit qu'avant cette pandémie, il faisait beaucoup de réalisations qui pouvaient être exportées, mais aussi y participer dans des foires. Oui, avant la COVID-19, nous faisions beaucoup de choses, comme ce que nous exportions, des tambours ornés de drapeaux burundais par exemple, ainsi que des choses qui vantent la beauté du Burundi, sans oublier les foires, expositions. Mais tout ça a été suspendu à cause du COVID-19. Cette situation n'a pas manqué de leur générer des problèmes, comme le souligne notre artiste. Des problèmes ne manquent pas. Comme tu vois, on avait des clients, ce qui nous permettait d'aller de l'avant dans nos familles, mais actuellement, ça boite. Il indique qu'il demande à l'État de leur aider à chercher le marché extérieur et d'envoyer leurs œuvres. Comme nous sommes en association d'artistes qui créent des œuvres et les commercialisent, nous demandons à l'État de nous aider à aller en marché, mais s'il n'y a pas de touristes, pourvu que le gouvernement nous aide à chercher ces marchés et y envoyer nos œuvres. Aaron Hatungimana, président de la JAMAP au niveau national, dit que parmi leurs prévisions, il y a l'ouverture des points de vente au niveau des ambassades burundaises à l'étranger. La question est la COVID-19 et parmi nos prévisions, c'est de demander à nos ambassades à l'étranger de nous réserver des points de vente des œuvres artistiques burundaises, surtout celles des jeunes, pour que dans chaque pays, la culture burundaise soit une réalité. Dans différents points de vente des œuvres artistiques de la ville de Gitega, il est clair que des fréquentations ont sensiblement diminué à cause du COVID-19. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kawabushi. Et en bref, le financement pour la fabrication de plus de 200 000 bancs pupitres dont les établissements scolaires de tout le pays ont besoin est déjà disponible. C'est la réponse du Premier ministre parlementaire lors de la présentation de la semaine dernière du plan annuel de l'État 2020-2021 qui voulait savoir si l'enveloppe allouée aux communes ne contribuerait pas à l'achat de bancs pupitres dans les écoles. Alain Guillaume Wignoni a dit que ce matériel sera bientôt acheminé aux écoles qui en ont besoin. Et l'utilisation des sachets non biodégradables commence à devenir une habitude chez les vendeurs et acheteurs. Toutefois, ils trouvent que ces emballages sont chers, mais qu'ils sont obligés de faire avec. Ceux du marché Côté-Bout, comme ceux du marché dit chez Sillon, réclament la multiplication des emballages moins chers pour leur faciliter la tâche. Et l'association des transporteurs du Burundi, Atrabou, dit être au courant de la perturbation des activités sur le parking situé au marché de Côté-Bout pour les chauffeurs de transport Bujumbura-Bubanza. Certains chauffeurs de ce parking se lamentent que leurs activités sont perturbées par des personnes qui se disent être des rabatteurs. Charles Niramheba, secrétaire général et porte-parole de cette association, dit que certains parmi ceux qui perturbent les activités à ce parking ne sont pas des chauffeurs. Et certains étudiants de la province Gitega ont déjà trouvé un terrain de mise en pratique des connaissances apprises en classe. C'est l'exemple de 60 étudiants environ de la première année au sein du département communautaire de l'Institut supérieur paramédical de Gitega qui se sont regroupés pour coordonner environ 400 agriculteurs de la colline et zone Mungwa de la commune Gitega autour d'un projet de culture du maïs hybride. Et en actualité internationale, le président tanzanien John Pombe Magufuli officiellement intronisé, c'était hier dimanche, à Dodoma, la capitale tanzanienne. Il a reçu un certificat officiel confirmant sa victoire électorale. Magufuli a été déclaré vainqueur vendredi avec 84% des voix, tandis que son parti, le Chama Chama Pinduzi CCM, a remporté 97% des 264 sièges du Parlement. Le président tanzanien a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de se représenter pour un troisième mandat, tout en félicitant une tenue d'élection pacifique. Et samedi, l'opposition tanzanienne a appelé ses partisans à descendre dans la rue dès ce lundi pour protester contre cette victoire écrasante qu'elle qualifie de frauduleuse. Son principal opposant, Tundu Lissu, a demandé un nouveau scrutin. Pour les États-Unis, l'élection tanzanienne est entachée d'irrégularité généralisée. Et tous les élèves des écoles, collèges et lycées de France reprennent les cours ce lundi 2 novembre dans le cadre d'un protocole sanitaire renforcé et devaient observer une minute de silence à 11h en hommage à l'enseignant Samuel Paty assassiné. Entre-temps, la France est entrée ce vendredi dans une nouvelle phase de confinement généralisé. Le nouveau protocole sanitaire suscite aussi beaucoup de critiques du corps enseignant. Un avis partagé par le collectif d'enseignants Les Stylos Rouges qui juge les mesures sanitaires prises par le gouvernement beaucoup trop laxistes et qui appelle sur Twitter à la démission du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Et on revient sur le reportage de notre confrère de Gitega qui nous parle de ces étudiants qui se sont regroupés pour coordonner un groupe d'agriculteurs sur un projet de culture du maïs hybride. Et c'est un reportage de Jean Dodieu, Irakoze. À la technique, on me fait signe que l'élément n'est pas prêt. Et là, je retrouve Elie Nibel Nibigira qui nous parle de la réponse du Premier ministre à l'inquiétude d'un député qui se demandait comment vont faire les élèves qui apprennent assis. Et le ministre a annoncé la fabrication de plus de 200 000 bancs pupitres dont les établissements scolaires de tout le pays ont besoin. Elie Nibel Nibigira. Il s'agit de la députée Antoinette Ndikumagenge, élue dans la circonscription de Changhuzo. Lors de la présentation la semaine dernière du plan annuel de l'État par le premier ministre devant les deux chambres du Parlement réunies, l'élu du peuple demande pourquoi le financement alloué aux communes ne contribue pas à la résolution du problème lié au manque de bancs pupitres. Nous constatons que le gouvernement s'est engagé à appuyer les communes avec une enveloppe destinée au développement communal. Mais visiblement, on dirait que toute l'enveloppe est allouée aux coopératives au lieu d'être engagée dans les travaux de développement communal. Comme nous remarquons le manque de pupitres dans les écoles jusqu'à présent, si ces fonds ne sont pas en train de contribuer dans la promotion de l'éducation, comment allons-nous atteindre ce développement ? Sur ces inquiétudes des parlementaires, le Premier ministre les rassure. Alain Guillaume Bougnoni explique que les chiffres des bancs pupitres nécessaires ont été déjà inventoriés et dit qu'ils seront bientôt acheminés aux écoles nécessiteuses. Comme leur financement est déjà disponible, tranquillise-t-il. Les communes ont élaboré des projets de développement communautaire qui doivent être financés, mais les financements des coopératives sont à part. Toutefois, une commune qui procédera au financement d'autres activités, ça sera génial. Mais tout est organisé. La question liée au manque de bancs pupitres est dans les mains de l'État. Tous les bancs pupitres nécessaires dans tout le pays ont été déjà identifiés. Le financement pour leur fabrication est déjà disponible. Ils seront fabriqués et seront acheminés dans les écoles nécessiteuses. C'est vrai, au début, ça ne peut pas suffire. C'est plus de 200 000 bancs pupitres. Ce financement est là afin que les élèves étudient dans de bonnes conditions. Ce plan annuel de l'État est à réaliser entre juin 2020 et juin de l'année prochaine 2021. Merci Eli Nibel Nibigira. On revient sur le reportage de Jean de Dieu Irakoze qui se trouve à Gitega et qui nous parle de cet encadrement d'une soixantaine d'étudiants et ils encadrent des agriculteurs dans la culture du maïs hybride. Ceux-là sont certains agriculteurs de la colline Mungwa qui se sont mis ensemble sous la direction des étudiants, estimés à environ 60, tous de la première année dans le département développement communautaire. Nous les rencontrons dans le champ d'environ 2 hectares, sur la sous-colline Gachacha, en train de semer le maïs hybride. Selon ces étudiants, il s'agit de leur champ de mise en pratique des théories apprises en classe. Avec le développement communautaire, il y a les programmes de développement comme organisation communautaire. Dans ces programmes-là, il y a toutes les options qui pourraient quand même nous aider à bien pratiquer ce que nous avons appris. Vous voyez vous-même, nous sommes en terrain. Nous avons commencé à semer donc ces maïs-là. Environ 400 agriculteurs se sont joints à eux et certains d'entre eux trouvent qu'ils n'auront plus besoin d'acheter la farine de maïs. Elle explique qu'en regardant la façon dont ils les enseignent et font le travail ensemble, qu'ils vont se développer et donc ils n'auront plus besoin d'acheter la farine de maïs. Ces étudiants appellent les universités et d'autres personnes ayant des connaissances diverses à travailler avec la population agricole pour développer le pays et demandent du soutien pour étendre leurs projets au niveau national. Aux autres étudiants qui sont à l'université, parfois nous défendons des mémoires théoriques, mais aujourd'hui voulons quand même défendre des mémoires pratiques, même des évaluations au niveau du ministère de l'Éducation nationale, qu'on organise un programme de mémoires pratiques. Nous lançons l'appel d'abord au gouvernement et aux ONG international de venir travailler avec nous pour qu'on puisse quand même extendre ces projets en vue d'accroître la production agricole dans notre pays. Du côté de l'administration à la base, le sous-chef collinaire Mungwa Ndikumagenge Lambert se dit être satisfaite des travaux de ses étudiants qui rentrent selon elle dans les priorités du gouvernement burundais. Elle dit accueillir chaleureusement ces travaux qui, selon elle, sont parmi les priorités du gouvernement. Quatre sous Colline se rencontre autour du travail et selon toujours elle, c'est le moment de se familiariser et de voir les meilleurs travailleurs sur cette colline. Ces étudiants dans le département du développement communautaire de l'Institut supérieur paramédical de Gitega ont créé avec cette population une coopérative dénommée Action des développeurs du développement communautaire ADECO en sigle. Depuis Mungwa, Jean de Dieu Irakoze, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Je l'avais annoncé dans les titres, un arbitre de basketball doit suivre diverses formations relatives à ce jeu avant d'avoir l'autorisation d'arbitrer les compétitions. Cela est dit par le président de la commission chargée de l'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de basketball. Pierre Nyoyandemye explique que pour avoir la latitude d'arbitrer des matchs internationaux, cela dépend du bon comportement affiché par un arbitre lors des compétitions nationales. Marie-Claire Kazenetz. La réussite au test organisé à l'issue des formations et la volonté des candidats sont certains critères pour devenir un arbitre de basketball. Cela est dit par Pierre Nyoyandemye. Il est président chargé de la commission d'arbitrage au sein de la Fédération burundaise de basketball. Les critères, c'est d'abord la volonté affichée par les candidats. D'autres critères, c'est réussir les tests organisés à partir d'un stage. Lesquels tests sont faits à la fin de ce stage organisé par la fédération en collaboration avec les associations qui ont demandé. C'est une formation qui ne dirait qu'une semaine en théorie. Les candidats qui ont réussi sont soumis à une autre étape, l'étape d'être un arbitre stagiaire. Et là, il y a que l'encadrement en ce qui concerne la pratique. Et après, quand il a réussi, il va avoir un autre niveau qui est un niveau élémentaire. On va l'appeler arbitre de niveau élémentaire. Pour une période de 2 saisons sportives, il est encore évalué avec différents tests. Et s'il réussit, il devient arbitre premier degré. Après une autre période bien déterminée aussi, il est évalué encore une fois. S'il réussit, il devient arbitre deuxième degré. Lequel degré lui donne les chances d'être candidat à l'arbitrage international. Pour atteindre le niveau d'arbitrer les matchs internationaux, le candidat doit remplir les conditions exigées par la Fédération internationale de basketball. Il doit afficher un comportement qui montre que c'est quelqu'un qui peut vraiment réussir parce qu'aller officier en match international, ce n'est pas chose facile. Il doit satisfaire aux conditions exigées par la FIBA. Là aussi, il doit passer par les tests. Avant, c'était organisé par la Fédération internationale de basketball, mais actuellement, ça se fait au niveau des fédérations respectives. La FIBA nous offre des postes en fonction du classement de chaque fédération. On dit que cette fédération qui est classée à ce niveau, il peut avoir autant d'arbitres internationaux. Et à ce niveau-là, les tests sont faits au niveau de la fédération. Et les résultats envoyés à la FIBA, FIBA peut décider de retenir ou de ne pas retenir tel ou tel autre candidat envoyé par la fédération. Ce président de la commission chargée d'arbitrage au sein de la Fédération de basketball au Burundi explique qu'il existe 3 catégories d'arbitrage au niveau international. Les licences qui sont données actuellement sont par couleur, licence noire, licence bleue et licence rouge. Et avec ces couleurs, ça détermine quel est le match que l'arbitre en soi peut officier. Ce qui signifie qu'avec la première couleur, il peut officier jusqu'au match qui oppose les enfants de moins de 16 ans. Et avec les matchs régionaux ou les matchs dans les zones, la deuxième couleur, c'est pour les matchs qui opposent les dames, aussi au niveau zone ou bien région. Troisième couleur, c'est pour un arbitre qui peut officier n'importe quel match international, sur n'importe quel continent. Dans la prochaine chronique sportive, Pierre Nyoyandemye expliquera comment l'arbitre central collabore avec ses assistants, ainsi que les sanctions infligées aux arbitres pour comportement indigne lors des compétitions. Et pour revenir sur quelques éléments en actualité internationale, on parle des élections présidentielles aux États-Unis, c'est demain, et de la résurgence de la pandémie du coronavirus dans plusieurs pays d'Europe qui se reconfinent déjà. Jean Dodieu Nihokubgayo, stagiaire à notre station. C'est demain, le 3 novembre, le rendez-vous des élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump, le président actuel des États-Unis, se portera candidat sur sa propre succession pour le compte du Parti des Républicains, tandis que Joe Biden représentera le Parti des Démocrates. Les sondages donnent une nette avance à Joe Biden sur Donald Trump. Une autre actualité internationale dans les pays occidentaux, la pandémie de COVID-19 a une fois de plus une propagation très élevée, où en Italie, on compte 200 208 décès, 162 au Royaume-Uni et 67 au Maroc en moins de 24 heures. Au moins 14 pays européens ont connu cette semaine un nombre record d'hospitalisations liées à la pandémie. En France, par exemple, on a recensé ce dimanche 1er novembre 231 cas de décès, en Espagne 239 et en Belgique 173 en 24 heures. De son côté, les États-Unis d'Amérique enregistrent jusqu'aujourd'hui des records de contamination successives où on a enregistré 926 morts ce dimanche du 1er novembre. Et je l'apprends en même temps que vous, la bourse RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon est décernée au journaliste camerounais Charles Donatien Bossolo Oba et au technicien Romain Obouda. Voilà, c'est la fin de ce journal. Il est 13h20 à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal. Vous voudrez bien nous excuser pour les quelques ratés dans ce journal. Au micro, Jean Bosco Ndouimana, un très bon après-midi.